toute feuille blanche. Ouais. Je veux pas que le mensonge nous étouffe. Sur la vérité, faut qu'on se penche. Dans mon assiette, j'ai de la bouffe. Donc je me plains pas, je pense à ceux qui dans ce pays vivent comme des parias. Abonnés au RMI, c'est pas tous les jours la joie. Je veux pas me la jouer des magots, ni rabat joie. On est tous à la recherche du magot. Personne nous tend la perche, on devient barjo. Y'a plus de temps à perdre, faut qu'on trace, mate le contraste entre les hautes classes et le reste de la populace. Faut que le fric on amasse, que les flics on déclasse. Beaucoup se lancent dans la bicrave, pensent faire fortune, se font serrer et puis boucave. Y'a trop d'incohérences, comment tu veux que je les zappe? On ose briser le silence, c'est pour ça qu'on rappe. C'est ça, gars. Pour toi qui crois, qu'on n'entend pas tes cris. Pour toi qui pense, que tout est écrit. Pour toi qui vois, que la chance te contourne. Pour tous ceux qui rêvent, qu'un jour la retourne. Pour toi qui crois, qu'on n'entend pas tes cris. Pour toi qui pense, que tout est écrit. Pour toi qui vois, que la chance te contourne. Pour tous ceux qui rêvent, qu'un jour la retourne. Un pote m'a dit, tout peut changer comme sur un coup de poker. Donc plus j'avance, plus je désespère. Nos destins est écrit sur la ligne de nos mains. Et on s'acharne à le chercher dans des putains de bouquins. Que tu sois chauve, brun, blond, rouquin. On est nombreux à connaître cette déroute. On est rempli de doutes. On envoie ceux qui veulent nous aider se faire foutre. Toutes ces épreuves m'ont poussé au bord du gouffre. La branche à laquelle je m'accroche va céder tellement je souffre. Des noirs, des blanches et des croches. La zik aide à digérer les débords d'un parcours loin d'être parfait. Je deviens dingue, je veux pas finir à l'HP. Des forces obscures veulent me happer. Je suis pas à plaindre, j'ai le confort et à manger. Même si parfois j'ai le frigo vide et un loyer à payer. Sans argent de la carte, tu es rayé. J'espère que le jour où tu voudras en finir, le train ne sera pas enrayé. De mon côté, je garde espoir. Je me remémore sans cesse que la roue tourne. Mais la chance me caresse, me nargue et me contourne. C'est le bordel dans mes pensées. Devant moi, le diable se met à danser. Je balance des rimes fortes sur un rime cadencé. Je me dis que c'est pas le moment de flancher. Je construis ma vie telle une maison. Là, j'en suis au plancher. Il manque l'essentiel, je suis fâché. Comment s'expliquer? Je suis pas faible, je me réfugie pas dans le THC. J'esquive, mais parfois en caisse, les droites et les crochets. Pour toi qui crois, qu'on n'entend pas tes cris. Pour toi qui pense, que tout est écrit. Pour toi qui vois, que la chance te contourne. Pour tous ceux qui rêvent, qu'un jour la retourne. Pour toi qui crois, qu'on n'entend pas tes cris. Pour toi qui pense, que tout est écrit. Pour toi qui vois, que la chance te contourne. Pour tous ceux qui rêvent, qu'un jour la retourne. Deuxième narcose, on veut que la retourne. Pour Narcose, on veut que la roue tourne. Pour Cicatrice, on veut que la roue tourne. Pour Montpellier, on veut que la roue tourne. Pour Carmo, on veut que la roue tourne. Ouais, Tolo. Missop, Narcose 2007, Carmo Albi, Montpellier, tu sais, on est là venu pour te présenter. On n'est pas prêt de lâcher, toujours enragé. Ouais, ouais. Blast, gars. Aurel, ma famille. Connais, Carmo, gars. Un gros. On veut que la roue tourne. On veut que ça retourne. Oh yo, MC Davy, on veut que la roue tourne pour tous les opprimés, pour tous les oppressés. Ouais, Narcos Crew représente, il faut que la roue tourne, il faut que ça change avec DJ Tralis dans la place. Yes, aïe, pour DJ Tralis, on veut que la roue tourne. Pour le 11ème commandement, on veut que la roue tourne. Pour les artistes, on veut que la roue tourne. Pour le EVC, on veut que la roue tourne. Pour Hip Hop Élévation, on veut que la roue tourne. Pour l'Oscar, on veut que la roue tourne. Pour Strike MC, on veut que la roue tourne. Pour Amrim, on veut que la roue tourne. Pour Locos, on veut que la roue tourne. Moi-même Narcos, je veux que la roue tourne.